S'il y a un verbe pour lequel on ne part pas dans l'infinitif pour former le présent, c'est le verbe « aller », hein, « ir ». Théoriquement, « nous allons », ça devrait être « imos ». Mais ce n'est pas « imos », mais « vamos hein ».« Vamos ». V-A-M-O-S. Vous connaissez déjà « voy ». Je vais, « va », il ou elle va, hein, vous ou c'est « aller ». Ou aussi « ça va hein, »,« ba ». Et « ban hein, », on accole le « n » à la fin. « Ils » ou « elles » vont. Et « vous hein, »,« ustedes », »,« allez ». En fait, le verbe « ir » est entièrement irrégulier. Mais c'est facile, parce que c'est un peu comme si on partait du verbe « bar » au lieu de « ir hein ». On a déjà vu « boy »,« ba », »,« ban ». Et maintenant aussi « vamos hein ». Eh bien, toutes les formes du verbe « ir », c'est comme ça. Alors, comment direz-vous « tu vas » ? « Vas ». ».« Vas », oui, tout à fait. C'est la même forme qu'en français, mais on entend le « s » final. « Vas ».« Vas ». « V-A-S ». Et « nous allons », c'est « vamos hein ». Alors, « nous allons sortir » bientôt sera vamos a, oui, très bien. Vamos a salir bientôt. Comment dire bientôt hein? Pensez à promptement. Ah oui, pronto, c'est ça hein, pronto. Vamos a salir pronto.